brutalement par votre affectionné gendre, le capitaine Silvio, qui n'a jamais eu l'intention d'attenter à vos jours. Ah, de quoi nous séjourner ? Je ne suis pas empoisonné.